Bienvenue dans le Lobster 177.0. Dreams are made of. bienvenue dans ce Lobster 177.0 qui en sera un tout de musique. Et oui, juste de la musique. Hier soir, partie de musique dans mon lit. Puis ça s'est terminé avec l'idée de faire un spécial musique dans ce Lobster. En fait, à la fin de la soirée hier, j'avais tagué une vingtaine de chansons dans Shazam que je voulais vous faire jouer. Donc, on a pas mal de choses à écouter. Voici le plan. Je vous présente plusieurs blocs de musique. On va avoir le bloc Japon, le bloc intelligence artificielle. Dans ce bloc, j'ai des méchantes surprises. Moi-même, j'étais impressionné. J'ai été dans Suno là, et j'ai entré les paroles du plus grand classique heavy metal, Master of Puppets. Puis on a transformé ça en Master of Puppies, le maître des chiots. C'est vraiment bon. C'est aussi bon que l'original. Vous allez pouvoir l'entendre un peu plus loin dans ce Lobster. Ensuite, bloc français, bloc souvenir du Lobster, un peu de dwarf metal, car un Lobster sans nain, ben, c'est pas un bon Lobster. Aussi, le choix de nos auditeurs. Et oui, vous avez participé. On va écouter ce que vous aimez et plein d'autres choses. Oui, on écoute la musique, c'est ça le but. Et bien sûr, je vous offre tout au long mes commentaires qui, je vous le promets, ne seront pas toujours pertinents. Donc, on débute avec Diamorphis, un groupe que j'apprécie pas quand ils crient, mais que j'aime bien quand ils sont plus mélodiques. Je les adore dans ce temps-là. Ils seront suivis de Taille Catafalque, un groupe de métal hongrois qui sonne différent de ce qu'on entend d'habitude. Ils sortent un peu du rang. Et le bloc va se terminer avec le groupe Born of Osiris que je découvre avec vous. Donc, c'est parti. Bon Lobster. Maintenant, on arrive à notre petit bloc métal japonais. On débute avec le groupe Baby Metal. C'est pas mal le groupe numéro 1 au Japon dans ce style. On va écouter leur chanson Papaya, que je traduis librement sans connaître un mot de japonais, par petit nain. Papaya, me semble que ça veut dire ça. J'ajouterais aussi que ça peut vouloir dire « oust » en même temps. Donc, mise en situation, si tu vois un nain marcher dans le quartier chinois et qu'il semble un peu hargneux, alors tu pourrais simplement lui crier « papaya » en agitant les bras et ça devrait le faire fuir. Ensuite, deuxième chanson, une reprise de « Bring Me to Life » en version japonaise et finalement la chanson « We Are » du groupe Aldios que j'aime bien. On écoute. Papaya! Bring it, I'll bring it. notre bloc francophone, on débute avec du Ultra Vomit, une chanson de mort, de robots, de policiers qui vient de l'espace. La chanson porte le nom de Dead Robot Zombie Cop from Outer Space 2. Bon. Ensuite, il y aura du Tagada Jones, du Guérilla Poubelle et on termine avec Mon Oncle Serge qui chante avec le groupe Anonymous. Dans ce bloc, on est plus proche du punk que du heavy metal et j'ai aussi rajouté un classique des Secrétaires Volantes, 11h-5, Panique sur la ville du CD Méconium que je possède en CD au garage chez moi. Tout est bon sur ce CD, donc si c'est bon au garage, c'est bon dans ce Lobster. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Willow? T'as fait une belle idiotie, Peck. Ne me traite pas de Peck. Oh, mille excuses. Peck. Peck. Peck, Peck, Peck, Peck, Peck, Peck. Je t'avertirai pas deux fois. Je suis un sorcier très puissant. Tu vois ce gland? Je te le lance et tu te changes en pierre. Oh! J'ai peur, arrête. Non, fais pas ça. Au secours! Au secours! Il y a un Peck qui me menace. Il a un gland dans la main. He is dead. He is a robot. He is a zombie. And he is a cop. Dead robot zombie cop. From outer space. Deux. Zombie club from outer space. Le métal canadien français est en français. Le métal canadien français est canadien. Il est conduit par le diable jusqu'au bout de la nuit. Son âme est perdue, malheur à celui qui fait du métal canadien français. We'll be right back. se met à prier. Et ça ne klaxonne pour le dernier verre. On démarre, on se pire, dans cette petite bière. Vous aviez oublié de faire vos provisions. Tabarnak! Tant pis pour vous, moi je garde ma boisson. Dans la vie des hydrates, le houblon c'est le lore. On en connaît qui frappe pour un plaque de bras d'eau. On sait, le sait. Maintenant, première partie de notre bloc intelligence artificielle, j'ai demandé à ChatGPT et à Copilot leur choix numéro 1 de la meilleure chanson heavy metal et j'ai eu des deux IA la même réponse, donc c'est unanime quand même. Et moi, bon, j'approuve leur choix, je vous laisse découvrir leur réponse commune dans 2 secondes. Ensuite, la deuxième chanson de ce bloc, j'ai demandé à ChatGPT sa meilleure chanson de heavy metal mélodique. Et bon, j'ai pas aimé sa réponse, il m'a sorti une chanson de Nightwish. J'étais pas content, moi je les écoute plus depuis que la chanteuse Tarja Turunen a quitté le groupe. Moi j'aimais bien sa voix, puis j'ai pas aimé sa remplaçante. Bref, j'ai refusé la réponse et j'ai demandé un deuxième choix à l'IA qui m'a sorti ce qui aurait probablement été mon choix personnel pour la meilleure chanson heavy metal mélodique. Une chanson qu'on a déjà écoutée quelques fois dans ce Lobster, une chanson de mon groupe préféré, In Flame. Donc on écoute ça et ensuite je reviens pour vous présenter la suite du bloc IA. C'est là qu'on va entendre différentes versions de Master of Poppy. Mais pour tout de suite, la chanson Heavy Metal votée numéro 1 par l'intelligence artificielle. We'll be right back. away from Sweden tonight, but we feel like we're home, you know? Pour la suite, c'est là que ça devient intéressant. Vous le savez, j'utilise Suno, un outil d'intelligence artificielle, pour faire de la musique. Puis là, j'ai pris les paroles de Master of Puppets, puis j'ai demandé à ChatGPT, transforme-moi ça en Master of Puppies, le maître des chiots. Et j'ai donné ces nouvelles paroles à Suno. Puis dès le premier coup, là, il m'a sorti de quoi de vraiment bon. Je lui ai dit le style, j'ai dit, de mémoire, j'ai dit heavy metal, surf, grim, punk adagio. Ça, c'est le style que j'utilise souvent pour mes autres chansons que je trouve, puis que je trouve que ça sonne bien. Puis là, il m'a fait un Master of Poppy qu'on écoute immédiatement. Donc voilà, c'est quand même bon. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça que ça sonne comme des vraies chansons là, qui auraient été faites par des vrais groupes. Mais là, ça a été généré en moins d'une minute grâce à l'intelligence artificielle. Justement, en début de semaine, j'ai passé 2 jours au Palais des congrès là, de Montréal. C'était le colloque des ingénieurs. Puis pendant 2 jours, j'ai assisté à des conférences là, que j'avais choisi de regarder. Dans certains cas, j'étais un petit peu perdu. Par exemple, j'ai été à une conférence de 2-3 heures sur l'ordinateur quantique qui, lui, fonctionne avec des qubits et qui, au lieu d'avoir juste un état de 0 et 1, c'est un peu comme si c'était 0, 1 et tout ce qu'il y a entre les deux en même temps. Donc, des probabilités qu'il soit telle affaire. Ça peut être 0, 1 ou peut-être qu'il y a plus de chances d'être 1 que plus de chances d'être... En tout cas, c'était bien, bien compliqué, là. Donc, j'étais un petit peu perdu dans tous ces états de superposition et d'intrication, tous des termes ou des concepts que je ne comprenais pas vraiment et qui étaient liés à l'ordinateur quantique. Mais tout ça pour vous dire, l'ordinateur quantique, je vous en ai déjà parlé dans un autre Lobster. Je vous avais dit, dès que ça sort, il va craquer tous les codes de sécurité en 2 secondes. Eh bien, Ça, c'est toujours vrai. L'algorithme pour faire ça existe et il est bâti pour fonctionner justement sur l'ordinateur quantique. Mais le problème, c'est qu'il manque l'ordinateur quantique. Et bon, j'ai été surpris quand même de voir que c'est pas un ordi comme on pense. Il fait pas exactement la même chose. Tu lui donnes des états et tu le fais passer dans un autre état. Bref, on ira pas pitonner sur un ordinateur quantique là, pour surfer sur Internet. C'est vraiment pas le même genre de choses là, qu'on peut faire avec ça. Mais craquer des codes de sécurité, ça, si l'ordinateur quantique peut finir par arriver, ça va pouvoir le faire. Mais bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça, je vous parle de l'ordinateur quantique parce que le conférencier nous disait que sur l'échelle TLR, Technology Readiness Level, c'est un peu l'échelle qui permet d'évaluer le niveau de maturité d'une technologie. Puis là, en ce moment, ils sont seulement à TLR 3, donc preuve de concept expérimental. Puis cette échelle-là, elle va jusqu'à 9, là, il y a plein d'étapes à passer. Juste l'étape 4, c'est technologie validée en laboratoire, donc ils n'ont même pas encore rien de validé. C'est sûr qu'en ce moment, IBM ou il y a des compagnies là, qui ont des ordinateurs quantiques avec des qubits, mais c'est juste... Ils ont réussi à modéliser une partie de ce qu'il faut pour faire l'ordinateur quantique. Donc, c'est pas au complet, il manque plein de morceaux. Puis c'est ça, il y a une personne qui a demandé au conférencier là, qui dirige le programme quantique à l'Université de Sherbrooke, ce qu'il en pensait, là, s'il pensait que s'il allait réussir à faire marcher l'ordinateur quantique. Puis sa première réponse a été non. Il dit « Pour l'instant, je ne crois pas qu'on va y arriver. » Puis ensuite, il a nuancé sa réponse. Il a dit « On est encore loin pour que ça marche. » Donc, déjà, IBM, ils ont... je vous parle d'IBM là, parce que c'est celui que j'ai retenu. Mais ils ont donné un genre de d'échéancier. Puis genre, d'ici 2029, ils disent qu'ils vont réussir à mettre 4 qubits ou 5 qubits en ligne dans leurs ordinateurs là, en parallèle qui marchent ensemble. Mais c'est juste un morceau de ce qu'on a besoin. Tu sais, tout a été... Il y a quelqu'un qui a pensé... Il y a un groupe de gens qui ont pensé comment ça peut marcher l'ordinateur quantique. Mais là, ils sont juste en train de faire marcher des petits bouts un par un. Mais après ça, il faut tout mettre ça ensemble. Tu sais, juste sortir l'information, faire un connecteur qui connecte l'info quantique avec un ordinateur normal, ça n'existe pas encore. Ils travaillent sur des connecteurs, je pense, à l'Université de Sherbrooke. Puis là, en ce moment, quand ils nous disent qu'ils travaillent sur l'ordinateur quantique, ils utilisent des ordinateurs NVIDIA normal, les ordis avec des gros GPU, puis ils font des simulations, simplement. Puis quand la simulation a été concluante, là, ils s'en vont l'essayer sur ce que IBM a modélisé dans ses laboratoires, là. Puis c'est ça, ça a l'air que ça coûte bien, bien cher, parce que c'est un ordinateur qui est refroidi à moins 273 Kelvin, près du zéro à ceux. Bref, c'est bien compliqué. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça? Je voulais vous parler, moi, d'intelligence artificielle. Ah oui, c'est ça. J'ai aussi été à des conférences sur l'intelligence artificielle qui, eux, étaient, qui semblaient plus pertinentes, là, puis plus à mon niveau. Puis là, ce que j'ai entendu là, dans ces conférences-là, ils étaient tous unanimes pour dire que l'intelligence artificielle, c'est probablement la prochaine grande révolution. Tu sais, nos parents ont vécu l'électrification, qui était en soi une immense révolution. Nous, on a vécu, pour les gens de mon âge, l'arrivée d'Internet, qui a tout changé. Puis la prochaine grosse révolution qu'on devrait vivre, c'est probablement celle de l'intelligence artificielle. Puis justement... pourquoi je parle de ça? Moi, je veux faire un lien avec la musique qui génère aussi facilement. En fait, il y a un rapport qui vient de sortir. D'après une étude qui a été réalisée par Deezer et Ipsos, il y aurait 97% des auditeurs qui seraient incapables de distinguer une musique qui a été faite par intelligence artificielle. Moi, quand j'ai entendu cette étude-là, j'ai dit « je fais probablement partie des 3% » parce que... dès que j'entendais des musiques générées par IA, tout de suite, je reconnaissais que la voix sonnait intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, là, faites le lien dans votre cerveau puis les avez reconnus. Mais tout ce qui a été généré d'il y a plus de 6 mois, on est capable de détecter là, que c'est l'intelligence artificielle. En tout cas, moi, je n'ai pas de misère. Mais là, les versions là, d'intelligence artificielle dans les outils de musique ont passé, comme dans Suno, on est passé de 3.5 à 4.5. Et puis ça fait une méchante différence. Puis là, aujourd'hui, j'ai testé la version 5 en pré-test. Puis là, je suis plus capable de distinguer la voix qu'il utilise, ne plus le son de l'intelligence artificielle. Ça semble être une vraie voix. Donc, là, je le crois, là, cette affaire-là, là, de 97% des gens qui sont plus capables de le détecter. Là. Donc, c'est ça. Lié, ça, c'est juste dans le domaine musical, on voit que ça peut avoir des gros impacts. Bref, où est-ce que je m'en allais avec tout ça? Ah oui, je m'en allais avec le fait que finalement, j'ai pris la chanson Master of Poppy, je vous l'ai traduit en français dans ChatGPT, puis je nous ai fait une version en français, Le Maître des Chiots. On l'écoute. Chiots qui hurlent, que j'en l'air, petit bout à manger, tout est clair, la laisse en main, ils font ce que je veux, Maître des Chiots, je mène le jeu. Dieu me supplie, ils veulent tout, ils mordent mes chaussures, courent partout. Je lance la balle, ils reviennent vite. Maître des chiots, dans le parc c'est la fête. École et tour, ils doivent m'apprendre. Assis reste où je fais comprendre. Maître des chiots, à la laisse, je mène le feu. Tu vois, jouer à marcher, oser à bon mot. Je règne sur la meute, jamais seul vraiment. Du petit chihuahua au grand labrador. Maître des chiots, je les guide encore. Maître des chiots, à la laisse, je mène le fun et la danse. Maître des chiots, des petits bateaux hurlent. On a eu le maître des clés avec Atmosphere. Là, on a le maître des chiots dans le Lobster. Maintenant, les mêmes paroles, mais j'ai passé ces paroles-là dans Suno version 5. Leur nouvel algorithme, je peux l'utiliser là, juste un petit peu. Puis je vous fais juste écouter un petit bout, là, une minute. Ça sonne vraiment bien. C'est juste pour vous montrer cette fois. J'ai mis comme style Heavy Metal, Synthwave, Lo-Fi, Frenchcore. Juste pour vous montrer là, l'algorithme 5. Qu'est-ce qu'il donne? Vous allez voir, la voix là est vraiment crédible. On dirait vraiment que c'est un chanteur humain qui chante. On l'écoute. En main, ils obéissent à mon commandement. Mais maître des chiots. Je tire toutes les ficelles. Ça sonne quand même bien la voix là, du monsieur qui chante là, différemment. Ça vous tente-tu de l'écouter encore? Je pense que oui, j'en ai plein. J'en ai généré plusieurs. Là. J'ai plein de crédits dans Suno. Donc, on écoute un autre bout cette fois avec une voix féminine. Dire qu'avec la voix féminine, j'aime un peu moins ça. C'est sûr, ça s'éloigne de Master of Puppets à ce moment-là. On écoute une autre avec encore une voix féminine. Je pense que c'est la dernière que j'avais. Après ça, j'ai décliqué, j'ai remis des voix masculines que j'aimais plus. Donc, une dernière quand même qui a une belle intro là, avec une voix féminine. Et voilà. Et on y va avec un dernier exemple. Cette fois, je le classe dans la catégorie échec. Quand la musique ne va pas avec la voix. L'intro ici est belle quand même, est correcte. Mais quand la voix embarque, on voit que ça ne fit pas ensemble. Donc, l'intelligence artificielle, là, aujourd'hui, j'ai généré, je vous dirais, une vingtaine de chansons. Puis là-dessus, j'en ai refusé 4. Que j'ai fait un pouce en bas pour les effacer. Donc, le taux de réussite est quand même bon. Là, je vous ai évidemment pas tout mis les bonnes chansons. Là, j'ai choisi les meilleures, mais j'en ai plein d'autres là, que c'est magnifique à écouter. On peut quasiment se faire un album juste de Master of Puppy. Là. Donc, on écoute une dernière quand Suno est un échec. Inside, feeding them treats from morning to night. Leash in my hand, they obey my command. Master of puppies, pulling all the strings. Donc voilà pour la chanson Master of Puppies générée avec Suno. Maintenant, c'est l'heure de la pause. On est un peu comme dans une dégustation de vin. Là. À un moment donné, il faut cracher dans un petit seau et croquer un grain de café là, pour resetter les papilles. Mais là, c'est pareil. On fait un reset, mais c'est un reset audio. En background, vous allez entendre Daft Punk avec la chanson Contact. C'est le genre de morceau parfait pour faire semblant que vous êtes dans une navette spatiale qui fait un pit stop là, chez Canadian Tire. Donc, profitez-en pour faire ce que vous avez à faire. Pipi, cacapouette, c'est le moment, sur place ou dans un endroit approprié, c'est votre choix. As we look back at the Earth, it's up at about 11 o'clock. About, Aussi, si en ce moment vous entendez ma voix qui est un petit peu sourde, si j'ai l'air de parler au travers d'un oreiller, c'est probablement que vous avez besoin d'un petit clean-up d'oreille. Parce qu'à partir d'un certain âge, l'oreille devient comme un terrain agricole. On se cultive le poil. Mais si on récolte pas en fin de saison, ça finit par bloquer. Donc, un petit coup de moissonneuse, ça permet au son de mieux passer. Je profite aussi de la pause pour rappeler quelques mesures de sécurité. Si vous avez entendu des bruits bizarres venant de sous les bureaux pendant que vous écoutiez ce Lobster spécial musique, vous devriez aller vérifier. Ça pourrait bien être des Nymphernos. Les Nymphernos, ce sont de petits métalleux cachés sous les bureaux qui headbangent comme des fous et qui ne reculent devant rien. Mieux vaut les chasser à coups de balai avant qu'ils ne transforment votre espace de travail en véritable mosh pit miniature. Donc, je le répète, on adore les personnes de petite taille dans Lobster tant qu'elles se comportent de façon adéquate. Sinon, c'est pas mal ça pour la pause. Pour le prochain bloc, je l'ai appelé « Le choix du Lobster ». C'est des chansons que j'ai déjà jouées dans Lobster, donc que j'ai déjà préapprouvées. Je vous les décris pas, on fait juste les écouter, juste un bon long bloc de chansons que j'aime bien. Et je vous reviens un petit peu plus tard avec le choix des auditeurs. With the same results. We'll be right back.

Black. On arrive dans notre bloc choix des auditeurs. Je vous avais posé la question sur le site du Lobster ou directement pour certains, quelles est ou sont vos chansons métal préférées? Mon frère m'a envoyé son top 3, donc on débute avec ça. Je ne connaissais pas les deux premières qu'il m'a envoyées, mais la troisième, c'est The In Flame, qui est pas mal mon groupe préféré, là, ex aequo avec Ghost. Donc, en plus, la chanson que mon frère m'a envoyée est dans mes favorites. Bref, un bloc de bonne musique. On l'écoute! We'll be right back. never let them use you. They will bring you to your knees. I try to lead you for a while, but every time I talk to you, you're too afraid to see. Open your eyes, open your eyes. Oh, I can see the light. Stay with me. If you're ready, you should see where I have been. I don't know if you're ready, and I don't know where to begin. Comme lié, c'est sa chanson favorite. Mais on la réécoutera pas deux fois. Donc, je vais juste mettre une autre chanson que je sais que mon ami Martin apprécie. Et ensuite, je vais mettre la mienne. Moi, c'est du Ghost, la chanson Square Hammer. C'est probablement ma chanson préférée. Donc, on écoute ça, un petit bloc de deux chansons. À la radio, y'a un poussin. Et le poussin pillou, elle a poussin pillou. Et le poussin pillou, elle a poussin pillou.

Bon, on arrive maintenant à notre dernier bloc. C'est le bloc Dwarf Metal. C'est important de parler des nains, de les entendre, de leur faire une petite place là, parmi nous. Mais là, quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des chansons du groupe Wind Rose. C'est le seul groupe là, qui semble faire une obsession sur les nains. Puis les autres groupes, ben, ça me plaisait pas trop. Bref, pour ce bloc, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai pas trouvé assez de chansons, assez à mon goût, pour nous faire un bloc complet de Dwarf Metal. Mais comme je veux quand même être inclusif, là, c'est ça le rôle du lobster, j'ai finalement choisi de vous passer une petite capsule enregistrée par Ami Télé. Ça dure 2 minutes et quelques. C'est pas trop long. Ça se nomme « Ça ne se demande pas à des personnes de petite taille ». On l'écoute. Papa! Papa! Est-ce que c'est possible d'avoir une vie sexuelle avec une personne de taille standard? Ciel! Oui. Une fois couché, il n'y a pas... Non, mais... Et je savais tellement qu'elle allait être là, cette question-là. Mais justement, ma conjointe est de taille standard, comme ils disent. À toi, ta blonde est de taille standard. Oui, ma blonde est de taille standard. On a un enfant. C'est... Ouais. Je m'entendais pas à cette question-là, là, mais oui. Oui, je veux dire... Ben oui, c'est possible. Ben oui. Oui, mon chum, il mesure 5 pieds 8 et j'ai une vie sexuelle épanouie et tout va bien à ce côté-là. C'est sûr, il faut avoir de l'imagination. On se le cachera pas, c'est certain. J'ai jamais eu d'amoureux de petite taille. J'ai eu beaucoup d'amoureux. Les gens souvent ils pensent qu'on a juste des amis de petite taille ou qu'on a un amoureux de petite taille. Toi, est-ce que t'as un amoureux? Ce serait plus une amoureuse et non, j'en ai pas. Être avec une femme, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, il n'y a pas vraiment de différence en tant que telle. Donc, c'est ça. C'est une question qui me fait toujours un petit peu rire. Oui, on peut avoir une vie sexuelle. Et on peut avoir une vie sexuelle à... Comme tout le monde, il n'y a aucun problème avec ça. Toutes mes membres fonctionnent. On a eu 2 enfants, donc ça va bien. Faut savoir que moi, là, mon tronc est de taille normale, puis mes extrémités sont plus courtes que les vôtres. Donc, par exemple, que je suis sur une personne, bien, la seule chose qui manque, là, c'est le genou puis le pied. Mais tu sais, je veux dire, mes membres sont là. Il manque juste des rallonges. Mais sinon, je peux tout faire. Je m'adapte. Et c'est ça. Donc oui, je peux tout faire comme vous. Mais une fois, j'ai eu un gars et je sentais qu'il était attiré par moi à cause de ma petite taille. Ben lui, il est allé voir ailleurs parce que je suis pas une attraction. Il y a juste peut-être des... Ben, si je peux rentrer rentrer là-dedans. tu sais, c'est sûr qu'il y a des positions avec une fille de taille standard, de taille régulière. C'est sûr qu'il y a peut-être des positions qu'on peut pas prendre nécessairement. Avant que je me fasse opérer les hanches, là, j'avais tellement mal aux hanches que c'était plus difficile pour moi, tu sais. Fait que... Mais là, à cette heure, on a 2 hanches neuves, fait que c'est vraiment extraordinaire. On découvre plein d'affaires, mais... OK, là, je rentre vraiment trop dans les détails, là. On est debout tous les deux. On s'entend qu'on peut pas être debout tous les deux. Il va se mettre à genoux. Vous comprenez? On s'adapte. Il le sait, je mesure 4 pieds. On s'adapte. J'espère que j'ai été assez claire. Donc voilà, on s'adapte aussi dans le lobster. Je ne vous cacherai pas que de passer ce message, là, ça me permet de recevoir des crédits d'impôt. Donc c'est ça. Et tout ça nous mène vers notre dernier bloc. Un party se termine toujours avec les slows à la fin. On finit avec un bloc de 2 chansons, rien de populaire. On découvre ensemble 2 chansons un peu plus calmes, mais qu'à la première écoute, hier soir dans mon lit, je trouvais bien. Donc, merci d'avoir été là dans ce petit lobster spécial musique. On se retrouve bientôt. Ça nous laisse environ 13 minutes de slow qui s'en viennent. Donc, n'attendez pas pour monter sur la piste de danse. Moi, je vais voir aux alentours s'il n'y a pas une fille des crédits d'impôt qui serait libre pour danser avec moi.